Alors moi, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver face à vous. Vraiment, parce que surtout aujourd'hui, parce que moi, je connaissais l'ancien Doc Gynéco. C'est vrai, le rappeur noir du ghetto qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. On est un peu loin de ça, on est un peu loin de ça quand même. Maintenant, c'est vrai, vous avez pris votre carte à l'UMP. Alors, on sait que vous êtes très lent en général aussi, vous êtes connu pour ça. Hein. C'est vrai, vous êtes lent quand vous parlez, quand vous mangez, quand vous chantez. Mais c'est un truc, vous avez vraiment été rapide, c'est pour retourner votre veste, je trouve. Non, c'est vrai, c'est le retournement de veste le plus rapide de l'histoire. Hein. Oh, quand même, il a mis du temps, moi, je trouve, au contraire. Ah, il a mis du temps. À changer d'opinion. Ouais, c'est vrai, mais il a du mal à s'intégrer. Mais il a le droit, bien sûr, mais il a du mal à s'intégrer. Hein. Par exemple, dans les congrès, au début, tout le monde le prenait pour le videur à l'UMP. Ah ouais, à l'UMP, quand tu vois un noir, c'est ou un videur ou un basketteur. Alors que lui, c'est beaucoup plus de choses. Il a un rôle très important à l'UMP. Ah, oui. À lui, c'est le café et les photocopieuses. C'est pas rien, quand même. Non, c'est vrai, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai juste un problème sur la façon dont vous avez traité les. Excuse-moi, tu m'écoutes ? Parce que vous êtes bon en général au niveau écoute à l'UMP, je ne sais pas ce qui se passe d'un coup là. Parce que allez, je vais parler, c'est un minimum de politesse en fait, juste voilà. Juste, ce que je disais, c'est que j'ai aucun problème avec le fait que tu sois de droite. Ce qui me gêne, c'est la façon dont tu as parlé des banlieusards. Ah, il va s'expliquer. En disant que c'était des clowns. C'est ce que tu es, mon pote. Hein ? Ça a l'air d'un sacré clown, je peux te le dire. Ah bah ouais, t'as vu, surtout avec mon bonnet chelou. Hein. Il te manque que le nez rouge. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai juste eu un problème, pas avec le fait que vous soyez droite, mais avec le fait que vous traitiez des banlieusards de clowns. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a gêné, c'est que tu dis par exemple que Nicolas Sarkozy mais a droit que tu connais les jeunes de banlieue, toi. T'es un mec de banlieue ? Pardon ? Est-ce que t'es un mec de banlieue? Mais toi, t'as parlé de la banlieue, t'es ça dans le 18ème. Ça se sent que t'es pas de la banlieue. T'es un clown, avec un nez rouge. Excuse-moi 30 secondes. Ça se voit, ça se voit. T'es un comique, tu racontes des bêtises. C'est parce que je suis pas de la banlieue qu'il faut pas que ça me gêne, que tu traites les banlieusards. Je peux avoir beaucoup d'amour pour les banlieusards sans dis en faire partie. C'est pas traiter clown, c'est comme ça qu'on s'appelle. On dit, ouais, quand un gars fait une connerie, on lui dit arrête de faire le clown. C'est simple. Ça alors arrête de faire le clown, s'il te plaît. En tout cas, je trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon, pourquoi? Comme ça. Franchement, je suis une arabe, j'aime pas les arabes. C'est une arabe qui aime pas les arabes. Non. Ah merde alors. Et les marocains, que penses-tu des marocains? Ah là, encore pire. Oui. Oh, c'est gentil les marocains. Tu rigoles? Ah bah dis-toi, tu peux demander ma belle-sœur, elle va être encore pire que les algériens et les tunisiens. Encore pire que les algériens et les tunisiens. Ouais. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des maghrébins? Ah non, les maghrébins, c'est pas une bonne affaire. Hein. Et surtout, j'en ai marre qu'on stigmatise les immigrés. Franchement, moi je regarde Faites Entrer l'Accusé toutes les semaines, c'est toujours à la campagne. Hein. Ha ha ha ha!